la force de Pharaon, lakini nguvu ya Pharaon était dans la mer. Ilikuwa ni ndani ya maji. Eh, parle. Et tu diras ainsi. Takwambia parle hivi, le Seigneur l'Éternel. Bwana anasema hivi. Voici. Tazama. J'en vais à toi. Mina kupinga, Pharaon, wewe Pharaon. Roi d'Égypte. Mfalme wa Misri. Grand crocodile. Mamba mkubwa, qui te couche au milieu de tes fleuves. We unalala katikati ya maji. Et qui dit mon fleuve est à moi. Na unasema hiyo maji ni yangu. C'est moi qui l'ai fait. Ni mimi niliweza kuiumba. Donc le trône de Pharaon était sur la terre. Kiti ya enzi ya Farao ilikuwa pa udongo. Mais il y a pas de trône qui persiste. Hakuna kiti kinashikamilika. Si il y a pas l'autel. Kama kuna kosa masabao. À côté de chaque roi. Pembeni ya mfalme wote. Il devait y avoir un sacrificateur. Ilibidi kukuwe mkuani. Pourquoi le sacrificateur est là? Kwani mkuani anakuwa pale? Le sacrificateur c'est la force spirituelle. Qui maintient le trône. Donc la force, le trône de Pharaon était sur la terre. Mais son hôtel était dans les eaux. C'est pourquoi quand Dieu commence à frapper Pharaon, le premier fléau c'est quoi? Il change l'eau en sang. Il détruit d'abord l'hôtel de Pharaon. Parce qu'il ne peut pas le vaincre sans détruire son hôtel. On arrive à comprendre la force de chaque personne. C'est son hôtel. Ce n'est pas le trône. C'est pourquoi il y a des gens, on les nomme aujourd'hui, on les licencie demain. Il a eu le trône, mais il n'avait pas d'hôtel. Est-ce que je parle aux gens? C'est pourquoi vous allez comprendre, hein? Des gens qui n'ont pas Dieu, ils font des sacrifices humains, ils font des fétiches, ils ont des hôtels maléfiques pour maintenir le trône. Alléluia. Je parle de grandes choses à quelqu'un. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Lorsque Isaac était à Gérar, le roi Abimelech lui dit, sors de chez nous. Parce que tu es devenu tellement puissant. Là c'est Genèse chapitre 26 verset 12 je pense. Quand il est sorti, il est parti dans les vallées de Gérar. Ma Bible me dit ceci. Avant qu'elle commence toutes choses, il a d'abord établi l'autel de Dieu. Il établit l'autel. Après avoir établi l'autel, c'est là qu'il a construit sa tente. Et après avoir construit sa tente, il a creusé le puits. Il n'a pas commencé avec la maison. Il n'a pas commencé avec l'eau. Il a commencé avec l'autel. Il a commencé avec le culte. Celui qui connaît la puissance de l'autel, il va dominer. Il va régner. C'est pourquoi l'année qui commence connaît l'importance des hôtels. Et la Bible dit ceci. Et après quelques jours, les mêmes personnes qui l'ont chassé, ils sont venus les chercher. Et quand ils sont venus les chercher, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons vu que Dieu est avec toi. Tu dois respecter ton culte. Beaucoup de religions sont plus puissants que les chrétiens parce qu'elles respectent leur culte. Ce ne sont que des chrétiens qui jouent avec le culte. Le culte t'établit. Le culte t'impose. Le culte te place. Là où c'est impossible, toi tu dois être placé là-bas. Parce que le culte c'est la marche avec Dieu. Et la Bible dit ceci. Avec Dieu tout est possible. Avec Dieu nous ferons des exploits. Élève l'autel dans ta vie. Élève l'autel dans ta maison. pourquoi Gédéon savait que il faut que je commence par l'autel. Et quand il est allé chez eux, tu as vite compris que cet homme de Gédéon ne peut pas vaincre le combat ni la mission que je lui ai donnée tant que l'autel de son père est derrière sa maison. Il y a de grandes missions que Dieu nous a confiées. Pour que nous puissions réussir la mission, l'onction sur ta tête est déjà là. Mais avant d'aller avec cette onction, il y a des choses que tu dois détruire. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens qui ont des dons. Ils prophétisent bien. Ils guérissent des malades. Ils chantent bien. Mais leur vie, c'est une vie de désastre. Une vie d'humiliation. Une vie de blocage. Parce qu'ils sont partis sans détruire l'autel qui est derrière la maison de leur père. Écoutez, Dieu dit ceci à Abraham. Il lui donne cette promesse, mais avec trois conditions. Il lui dit ceci: il va rendre son nom grand, il va faire de lui une bénédiction des nations. Il lui a donné beaucoup de promesses, mais il lui dit: tu dois faire trois mouvements. Tu sors dans la maison de ton père. Pourquoi il doit sortir? Le fait de sortir, c'est la délivrance. Il y a des gens que Dieu a appelés, mais ils sont toujours dans la maison de leur père. Ce n'est pas qu'ils sont physiquement, ils sont restés spirituellement. Il y a des choses qui les réclament par derrière. Mais la Bible dit ceci: la même nuit, Dieu est venu vers Gédéon. Dieu n'a pas dit ceci à Gédéon. Il n'a pas dit ceci à Gédéon: je brise ton autel. Il n'a pas dit: je brise l'autel de ton père. Mais il a dit à Gédéon: va briser. Donc, il y a des choses que Dieu ne le fera jamais. C'est à toi de prendre tes responsabilités. C'est à toi de t'élever contre le pouvoir qui est derrière la maison de ton père. Et si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas vivre la mission et la destinée. Alléluia. Des fois, nous sommes en train de dire: Mungu Baba, descend, brise. Dieu te regarde. Il t'a déjà donné la force. Si tu ne te fâches pas, ce qui ne te met pas en colère ne changera jamais. C'est le jour que tu vas te mettre en colère que les choses vont commencer à changer. Tant que tu rigoles avec le diable, tant que tu rigoles avec les esprits de ta famille, tu vas beaucoup parler en langue, tu vas écrire des carnets, mais la chose n'arrivera jamais. Et tu vas condamner même le prophète. Tu appelles Gédéon. Et tu n'iras pas dans la mission sans détruire cet hôtel. Il y a des gens, quand on leur parle, ils disent que la Bible dit: tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont déjà passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Oui, non, ne faisons pas. Il faut descendre là-bas. Lisez d'abord là-bas. Paul voulait dire quoi à ces gens-là? Paulo alipenda kusemezia nini? Dieu. Mungu. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi. Regarde. Tazama. Si vous dites à cette montagne, ukiambie hiyo mlima, ôte-toi, toka pale, et va te jeter dans la mer, wende ukajitupe maji, par la foi, kwa imani, ça obéira. Itatii. Et Jésus n'a pas dit ceci. Yesu asikusema hivi. Si vous m'appelez moi, kama mnanialika mimi, je viendrai enlever vos montagnes. Nitakuya kutosha hiyo milima yenu. Déjà donné le pouvoir. Alisha kutupa uwezo. C'est à toi de parler. Ni wewe wa kusema. Laisse-moi vous dire une chose. Acha nikwambie kitu. Depuis l'avenir de Jésus-Christ, tangu karibia kwa Yesu, toute action, tendo yote, ne commence plus au ciel. Haianzishwe mbinguni. C'est la terre qui initie toute action. Ni udongo cho inazishwa tendo yote. Jésus a dit ceci. Ce que vous allez fermer sur cette terre. Iyo mtafunga pa udongo. Sera fermé où? Itafungwa na mbinguni. Dieu attend que toi tu commences. Mungu anachunga wewe hapa. Il va entrer dans la danse. Na ataingia atakufuata. Si toi tu croises les mains. Kama wewe unasimama tu croises. Naye pia sitasema. Même si les sorciers vont t'arracher les yeux. Hata warozi watakutukunya macho. Lui va toujours regarder, on t'arrache les yeux. Yeye atatazama wanakutukunya macho. Tu vas aller au ciel. Utaenda mbinguni. Sans les yeux. Bila macho. Il est là, je regarde. Il a dit, la Bible dit, voici. Biblia nasema je vous ai donné le pouvoir. Na mipatia mamlaka uwezo. De piétiner. Ya kukanyanga. Les serpents. Nyoka. Les scorpions. Nge. Et tout le pouvoir de l'ennemi. Na uwezo yote ya adui. Écoutez, pouvoir. Uwezo. Dans la traduction grecque. Kama tuna veut tafsiri, dire exousia. Inasema ni exousia. Un pouvoir. Imekuwa tu ni uwezo. Bon, c'est l'ordre. Inakuwa tu ni uwezo. D'exercer. Ya kutumia un pouvoir inakuwa uwezo par la permission d'une autre autorité. Kwa tena ruhusa ya mkubwa mwingine. Chaque pouvoir s'exerce par la bouche. Uwezo yote tunaitumia ni kwa kinywa. Le gouverneur n'a pas besoin de venir à Likasi. Wakubwa wazi kuya tena kulikasi. Frère Pierre lui dit. Munyumba ya nduku pia kumwambia. Nous avons mis une nouvelle loi. Leo tunakuwa na sheria. Il va seulement monter à la radio. Yeye atapanda tu kurete. Il dit la chose. Anasema kitu. Et nous tous nous obtempérons. Na sisi wote tunafata. Il y a des choses que tu dois parler avec. Tuko pitu inabidi kusema naye. Il y a des choses que tu lui as dit. Tuko pitu inabidi kuambia. Aujourd'hui c'est fini. Leo ni mwisho. Écoutez, les hôtels parlent. Masabao inasema. C'est pourquoi quand tu pars, wakati wewe les hôtels te crient par derrière. Masabao inalalamika nyuma yako. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu entendre encore. Mungu asikutamani kuchu. Ce qui a rendu Gédéon pauvre. Yenye lifanya Gideon kuwa masikini. Parce que ce qui a amené tous ces démons là. Ile ilileta hiyo mapepo yote. Ce qui a amené les Madianites. Ile ilileta wa Midiani. Ce sont les hôtels qu'ils ont construits. Inakuwa ni masabao walijenga. Parce qu'ils se sont rebellés à Dieu. Waliweza kutomboka. Ils ont invité d'autres hôtels dans le pays. Walialika mazabao mengine ndani ya mji. Maintenant ces hôtels. Hiyo mazabao. Ont ouvert des portes. Iliweza kufungula milango ingine. Et ces portes que ces hôtels ont ouvert. Na hiyo milango mazabao ilifungua. A rendu Israël pauvre. Ilifanya Israeli kuwa wa masikini. Quel est l'hôtel qui parle derrière ta vie? Ni mazabao kani nasema nyuma ya maisha yako. Quel est l'hôtel qui parle contre tes enfants? Ni mazabao kani nasema kwa ajili ya watoto yako. Les hôtels humilier quelqu'un. Masabao inaweza kumsusa mtu. Tu es grand. Oui, comme coupe. Mais les hôtels te rendent une vie difficile. Lakini masabao inafanya maisha yako kwa yangu. Les hôtels peuvent te pousser à répéter la vie de ton père. Masabao inaweza kukusukuma urudirie mu maisha ya baba yako. Les hôtels créent tout un système de vie. Masabao inafunga hali moja ya maisha. Les hôtels créent toute une loi dans votre famille. Masabao inaumba sheria ndani ya maisha yako. Génération en génération. Inakuya kwa ujio na ujio. Ma prière ce soir. Hobi yangu magharibi. Et que tu te lèves ce soir. Uinuke et que tu parles à ces hôtels na useme na hiyo masabao de disparaître et de s'éteindre ipotee na ikae kimya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Écoutez, ma fille a eu des problèmes. Mtoto wangu alikuwa na mambo. Ma fille a eu des problèmes. Mtoto wangu wa kwanza alikuwa na problème des yeux. Alikuwa na shida ya macho. Ça commençait à déformer même ses yeux. Ilianza na kuharibisha macho yake. Bon, je dis, elle sera moche celle-ci. On amène à l'hôpital, on nous amène dans d'autres hôpitaux, l'argent faisait que partir. Elle commençait à vivre en mettant de produits dans ses yeux. Je dis non, non, non, je ne veux pas voir ma fille devenir moche. Je n'ai pas prié, j'ai commencé à parler avec ses yeux. Tu ne peux pas croire, jusqu'aujourd'hui, c'est parti. C'est parti. Inesha kuenda. Si je te montre sa photo, elle est très belle. Anakuya tu ni murembo zaidi. J'ai parlé. Mirisema. Je n'ai pas pleuré. Sikurie. J'ai parlé. Mirisema. Écoutez, toutes choses à des oreilles. Vitu vyote vinakuwa na sikio. Et tu as un pouvoir. Na wako na uwezo. Si tu parles, ça va partir. Unasema itatoka. Il y a des temps que tu dois laisser de crier. Wakati utalalamika. Il y a des temps que tu dois laisser de se lamenter. Lève-toi et parle. Anza kusema. Entrez dans le tribunal céleste. Ingia tena. Change de choses. Badilisha bitu. Lève-toi. Inuka. Et parle. Nafanze kusema. Marche dans ta maison, parle. Tembea nyumbani kwako na sema. Dis des choses. Sema bitu. Appelle tes enfants. Ita watoto yako. Déclare des choses. Sema tena bitu. Et cela va arriver. Na ile itafika. Toi, tu ne parles pas, tu ne fais que te lamenter. Mais nous, nous sommes venus accompagner. Ça va, accompagne-nous. Nous avons besoin de garder des corps. Accompagne-nous. Mais moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis venu vivre ma destinée. Il y a des choses que j'ai dit seulement. Et c'était arrivé. Il y a des choses que j'ai déclarées. Je suis du haut de cette chair. Je ne peux pas te mentir. Il y a des choses que j'ai dit. Et les choses sont arrivées. J'ai dit à Dodoma, là on avait mis l'église. C'était un endroit qui était vraiment éloigné. Mais c'était tout près de la ville, mais il y avait la brousse. On partait avec nos véhicules. Nos véhicules s'embourbaient dans la boue. À cette époque, j'avais un véhicule qui avait un moteur V8. Mais quand ça s'embourbe là pour faire sortir ces véhicules, j'ai laissé mes diacres dormir là-bas. Et j'ai dit ceci. À partir de ce moment, je déclare. Le goudron va passer par ici. Ils ont dit, oh, mais je ne peux pas supporter cette humiliation. Après quelques mois, le président le fait Magufuli lui dit, na raisi aliweza kutuambi. Ceux qui voyagent par Dar es Salaam, ils connaissent par bus, ils connaissent Mbeya. Wale wanasafiri ku Dar es Salaam wanachua hiyo gari. Mbeya, c'est une Mbeya. Ville. Eba nachua ile uji Mbeya. Il dit que tous les véhicules qui vont sortir de Mbeya pour aller à Mwanza. Hiyo magari yote itatoka Mbeya na kwenda Mwanza. Ça ne peut plus encore passer dans le centre-ville. Haiwezi kupita ndani. Ça va prendre un autre chemin de là. Itachukua tu ni njia ingine. C'est devant notre église. Inakuwa tu ni mbele ya kanisa. Et une partie des gourdons est en entrer dans la parcelle de l'église. Donc, ils ont fait ça, ce sont des Japonais avec perfection. Mais je vous dis jusqu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années, aucun bus n'est jamais passé par là. C'est nous qui utilisons maintenant cette route. Elie a dit que seulement à ma parole à moi, ce soir, il y a des hôtels qui doivent se taire parce que tu as le pouvoir. Écoute bien maintenant le Seigneur. Tu as déjà accumulé des choses depuis que Moulima 30 a commencé. Tu as déjà accumulé des capacités. Mais ce soir, le dernier vendredi, tu vas parler avec Dieu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et quand tu brises l'autel, na wakati unafunja mazabao, tu dois aussi construire ton autel. Inabidi ujenge mazabao yako. L'autel que tu construis premièrement, mazabao yenye unachenga ya kwanza, c'est l'autel de la prière. Inakuwa ni mazabao ya maombi. Sois un homme de la prière. Uwe mtu wa maombi. Sois une femme de la prière. Uwe mwanamke wa maombi. Laisse les distractions. Hacha kuweka mawazo pasi. Tu as une puissance en toi. Kuna mawezaji ndani yako. Tu es toujours sur Facebook, sur TikTok. Kwani unakuwa paka pa mitandao? Change ta manière de vivre. Hali yako ya si tu touches le téléphone, ukiguse tu simu, c'est pour chercher l'argent. Nijua kutafuta fedha. C'est pour faire des recherches. Pas pour regarder des choses inutiles. Apana kuangalia tu bitu vya shukuma. You are wasting your time. Tu perds ton temps. Uko unapotesha wakati yako. Les autres réussissent. Wengine wanaweza. Toi tu ne fais que te pleurer. Lakini wewe uko paka nalia. Tu dois prier. Taomba, tu dois prier et sortir. Utaomba tu dois kutoka. Affronter ta destinée. Inabidi ukakutane na ujio wako. Maintenant, les trois esprits, les trois nations, na iyo mataifa tatu, ces trois nations iyo mataifa tatu, ont été amenées par les hôtels. Inakuwa ni mazabau njo irileta je les explique dans 5 ou 10 minutes et on entre dans la prière. Na kisha les trois nations, iyo mataifa tatu, ce sont des esprits, inakuwa c'est l'image mapepo, des esprits ni picha ya mapepo, amenés par l'hôtel de Baal. Yenye mazabau ya Baal iliweza kuyaleta. Parce que là où il y a des hôtels maléfiques, pale panakuwa mazabau mabaya, il y a aussi des esprits qui opèrent. Kuko na mapepo inafanya kazi. Maintenant, ces hôtels qui ont été construits en Israël, iyo mazabau ilijengewa ndani ya Israel, a provoqué que Madian descende. Ilichokoza kusema Midiani ishuke. Alléluia. Amina. Madian veut dire quoi? Midiani inasemezea nini? Premièrement, Madian veut dire belliqueux. Midiani inasemezea tu ni Belliqueux, c'est celui qui cherche la guerre. Mwenye anatafuta vita. Celui qui aime le combat. Mwenye anapenda vita. Celui qui aime se battre. Mwenye anapenda ukombi. Ça, c'est la première définition. Ile la deuxième définition. Ya pili. Madian veut dire la confusion. Mitani nasema tu ni mfuruko. La pression. Inakuwa kushurutishwa. Le désordre. Inakuwa tu ni esprit. Ile pepo. Qui veut te combattre en permanence. Inakukombanisha kila mara. Et Madian, c'est le fils d'Abraham. Na Mitani inakuwa ni mwana wa Ibrahim. Il est le fils de Ketura. L'enfant de Ketura. Ni mtoto wa Ketura. Donc c'est un combat lié à la famille. Inakuwa ni ukombi ya kuambatanisha na jamaa. Le combat intérieur. Inakuwa ukombi wa ndani. Plus fort que le combat extérieur. Iko na nguvu kushindia ukombi wa nje. Vaut mieux combattre avec les forces de l'extérieur. Kukombana na nguvu ya nje. Que combattre les forces qui sont à l'intérieur. Inapidi kukombana na nguvu inakuwa ndani. C'est pourquoi vous allez remarquer même à l'hôpital. Utangalia hata kwa hospitali. Une maladie qui est à l'extérieur du corps. Ugonjwa unakuwa nyuma ya maungu. N'est pas difficile à soigner. Haiko tu nguvu kuyatunza. Et ne coûte pas cher. Haikalaka ya bei za hiyo. Mais la maladie qui est à l'intérieur. Lakini ukovi inakuwa wa ndani. C'est une maladie qui tue. Ni ukovi ugonjwa inaua. Difficile à soigner. Iko na kigumu kupokea matunzo. Et difficile à détecter. Na atuyaone kwa wepesi. Le combat de famille. Maukovi ya chamala. Ce sont des combats qui sont en permanence. Ni maukovi inakuwa ya kila mara. Ce sont des combats. Ni maukovi. Qui n'ont pas commencé avec toi. Haikuanzisha nawe. Ce sont des combats qui partaient de génération en génération. Inatoka ni kuvizazi na vizazi. Mais ma prière ce soir. Ombi yangu mangaribi. Et que toi tu sois le gédéon de ta famille. Wewe ukuwe kidéoni wa chama yako. Que tu puisses arrêter Madian. Usimamishe Midian. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Je vais avec cette force que tu as. Na nguvu yenye unakuwa nayo. Pour délivrer Israël. Juu ya kuokoa Israeli. De la main de Madian. Mkononi wa Midian. La main veut dire quoi? Mkono ikasemezia nini? La main c'est la force. Mkono ni nguvu. La main c'est la puissance. Mkono ni uwezo. Il y a des puissances nocturnes qui créent des désordres. Mathieu a amené la pression. Mitani ileta usurutisho. Écoutez, qui a déjà vécu avec pression? Nanyasha kuishi na hali ya kusurutishwa. Tu n'as jamais vécu par la pression. Uyaishi ku ile hali ya kusurutishwa. Pauvre mais sans pression. Inabidi kuwa tu masikini lakini hauna na hali ya kusurutishwa. Vous avez la pression. Nachua hali ya kusurutishwa. C'est comme si tu es poursuivi par un lion. Ni kama simba mwenye anakufuata. Il est à 2 mètres de toi. Yeye anakuwa tu ni karibu nawe. Tu sens que unasikia kusema. Même demain tu n'y arriveras pas. Atakesho utaiweza. Il amenait la pression à Israël. Israël avait la peur. Israël alikuwa na poka. Écoutez, dans la vie, la peur c'est un ennemi de développement. Poka inakuwa tu ni hadui ya maendeleo. Dans la peur, mtani ya poka. La pression. Hiyo hali ya kusurutishwa. Pousse à la peur. Inatuleta kupoka. Et tout celui qui vit par la pression de la peur. Na watu anaita anaishi kusurutishwa na poka. Ya atafanya makosa mengi. Il y a des gens qui sont mariés par peur. Il y a la pression de l'âge. Attends, 40 ans, 30 ans. J'ai déjà 30 ans. Donc, il y a la pression de l'âge. Kuna kuya kusurutishwa kwa miaka. Non. On doit me prendre en mariage. Ne te marie pas par peur. Hapana kuolewa kwa ajili ya baba. Tu vas faire un mauvais choix. Wewe utafanya uchaguzi mbaya. Ah. Alléluia. Amen. Tu vas faire des décisions. C'est pourquoi Madian a créé la peur. L'esprit des hôtels crée la peur de la vie. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Tu as déjà vu quelqu'un ici qui est tombé, qui est mort à cause de la famine. On a déjà ramassé combien de personnes? Depuis qu'on a commencé Mulima 30, on n'a pas encore ramassé quelqu'un. Même le plus pauvre. Hata masikini wa nguvu za nchi naye anakula tu. Même si fait 2 jours sans manger. Hata anafanya masiku mbili. Le troisième jour. Ya tatu. Il finira toujours par manger. Atakula mpaka. Maintenant, pourquoi avoir la pression? Tu as nini kuwa na hali ya kusurutisha? Pourquoi avoir la peur de la vie? Tu as nini kuwa na boka kwa maisha? Parce que la peur détruit la foi. Boka buna ribu tena imani. La peur pousse à de mauvaises décisions. Boka buna kusukuma kumpa. La peur enlève la confiance. Boka buna kutosha ile hali tena kujitia nguvu. Boka détruit ta foi. Buna haribu imani yako. La peur boka te fait perdre ton identité. Buna kupoteza, buna potesha utambulisho wako. C'est pourquoi le diable, il connaît un moyen pour détruire la vie de quelqu'un. C'est amener la terreur, la pression. C'est pourquoi Goliath, quand il descendait dans les camps des Israélites, il faisait la pression à Israël. Mais David, connaissant les techniques, il n'a pas eu peur de cet homme. Il a terrassé cet homme. Il a humilié toute une nation. Toi, tu vas changer les choses. Les esprits de Madian faisaient quoi? Ce sont des esprits qui refusent à ce que tu puisses récolter. Ce sont des esprits qui sabotent tes efforts. Tu travailles sérieusement. Tu étudies. Tu as eu ton diplôme. Mais l'esprit de Madianite refuse à ce que tu puisses avoir le travail. Il dit que toi, tu ne mangeras jamais le fruit de tes études. L'esprit de Madian, c'est un esprit hostile aux récoltes. J'ai vu quelqu'un, le prophète Barak m'a présenté un monsieur, je lui ai dit, ce papa il est parti où? Il m'a dit le jour qu'il a célébré son doctorat. Le jour qu'il a eu son doctorat. Ils ont fêté à 15h jusqu'à 18h. Le matin, il ne s'est plus encore réveillé. Il est mort. Ce sont des choses, des pressions, des esprits qui font que la femme est mariée. Elle a supporté la souffrance au moment où son mari veut être béni. Ça c'est quelle sorte de mariage? Moi je pars. Lui il est parti. Et l'argent est venu. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que je parle, vous me comprenez? Tu ne récoltes pas. C'est ce que les Madianites faisaient. Tu peux avoir des amitiés. Tu as ton ami. Vous souffrez ensemble. Dieu veut élever ton ami. Non, tu commences à le critiquer. Tu commences à parler à mal. Tu lui crées des problèmes. Des relations se brisent. Et lui, Dieu le relève. Il devient gouverneur de la ville de Lubumbashi. Et maire de la ville de Lubumbashi. Maire de Likasi. Tu iras le voir. Tenda kumuona. À moins que tu sois un sorcier. Toi-même, tu dois te disqualifier. Oui, on est château que joue capembeni. Les Madianites. Amitiani. Ça empêchait vos parents de récolter. Il fanya wazazi yako. Ça tuait vos parents. Il y a où wazazi. Ce sont des esprits. Il a quoi tu n'y vas pas. Tuer quelqu'un quand il commence seulement à avoir l'argent. Il les tue. J'ai vu des gens en Asie te couper dans ma coute en akufa. Une personne qui a commencé juste à avoir de l'argent et puis ça ne peut pas arriver encore chez vous là-bas. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Il n'a pas choix pour chez maman Léo. Les Amalek. Amalek. Amalek. C'est aussi le premier fils d'Ésaïe. Il est toujours frère d'Israël. C'était un combat qui est aussi intérieur. Alléluia. Amina. Écoutez, Moïse a dit ceci. Il y aura combat entre Israël, Amalek, de génération en génération. Et il a même construit l'autel pour détruire. Ça, c'est Exode 17:15. Et c'est lorsque Saül est venu dans cette guerre. C'est lorsque Saül est venu le premier mois. Il a mis fin à cette guerre. Ce sont des esprits. Amalek, c'est un esprit. Je suis en train de terminer. Amalek, c'est un esprit aussi qui veut la guerre. C'est un esprit qui est contre ta destinée. C'est un esprit de faiblesse. C'est un esprit de découragement. Parce que lorsque Amalek a attaqué Israël, il s'est découragé. Écoutez, le courage, c'est une puissance. C'est une force. Dieu dit à Gédéon, prends courage. Prends trois fois dans le même chapitre. Prends courage. Prends courage. Mais il y a des esprits qui te poussent à laisser. Il y a des esprits esprit qui te décourage dans la vie spirituelle. Ma prière ce soir est que tu sois fort et que tu sois courageux. Ce ne sont que des courageux qui réussissent la vie. Le courage, c'est un atout. Alléluia. Amina. Amalek, il tire par derrière. Il ne veut pas que tu atteignes ta destinée. C'est cet esprit qui te fasse qu'il y a des temps, tu laisses d'abord les choses de Dieu. Il y a des temps, tu quittes d'abord l'église sous ce camp. Tu vas revenir après quelques années, tu reviens encore. Je rentre chez nous. Tu as un problème spirituel. Le dernier esprit. Ce sont les fils de l'Orient. Ce sont des astronautes. Des gens qui faisaient les études des astres. C'est l'image de la puissance de la sorcellerie. Des alliances maléfiques. Écoutez, la sorcellerie a trois missions. La mission de la sorcellerie, c'est Jean 10:10. Détruire. Voler. Et égorger. Il y a des gens qu'on les a volé les étoiles. Il y a des gens qu'on les a volé la vie spirituelle. Tu connais qu'on peut te voler la vie spirituelle. On te vole la prière. On te vole la foi. Tu n'as plus la foi. Il y a de cela 7 ans passés. J'ai connu des attaques terribles. Je me suis retrouvé que je suis pasteur d'une église Bilaïmane. Sans foi. Si je veux prier pour quelqu'un, il faut que m'inviter qu'au frère Moya. Je dois appeler un frère Wakanisa de l'église. Quand nous prions avec moi, lui, moi je m'attache à la prière du frère. C'est terrible. C'est là que le don de miracle était en train de s'enterrer petit à petit. C'est terrible. Jusqu'à tel point que Dieu est venu me restaurer et me ramène dans la foi. Mais à cette époque-là, il y a beaucoup de choses qui s'étaient détruites. Kwaile wakati kulikuwa vitu vya mingi vilipiwa. Unaweza kukuiba hali ya utakaso. Tu perds la crainte de Dieu. Unapoteza boka kwa Mungu. Tu deviens incrédule. Unakuwa tu ni mtu ushutuke kitu. Yote banakuambia. Toi tu es devenu maimai spirituel. Wewe unakuwa tu ni maimai wa kiroho. Vous croyez qu'on va vous voler seulement l'argent? On peut vous voler la vie spirituelle. Hata na maisha yako ya kiroho banaweza kuiba. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amina. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut te tuer spirituellement. On peut te voler des histoires. Ce sont des gens-là qui rêvent, banamuiba porte-monnaie. Ils sont en train de rêver, les ravis de porte-monnaie. Banamuiba Bible. En allant, on est en train de voler la Bible. Et quand il se réveille, il n'est même pas conscient. Moi, je suis sa casserole de haricots le matin, il va prendre avec du thé. Non, tout ce qui se passe dans le spirituel va se manifester dans le physique. La sorcellerie, voler, tuer, détruire, quand ils sont là, c'est pour détruire, c'est pour voler, c'est pour égorger. Ils amènent le désordre. Que ma prière ce soir est que toute puissance de la sorcellerie puisse tomber. Et même si Dieu dit que dans la loi, il dit que ne laissez pas la sorcière vivre. Dieu dit je détruirai la sorcellerie dans le main. Dieu connaît l'impact de la sorcellerie. C'est pourquoi quand il faut combattre, Et vous allez remarquer, ils utilisent 4 techniques. J'ai dit seulement 2 choses rapidement. La première des choses, ils utilisent quelque chose, il est difficile de détecter. Ils utilisent les malédictions. Ils vont faire quoi? Ils vont t'envoûter. Parce qu'on dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ils vont t'envoûter à commettre l'erreur fanya tu cause à ton supérieur. Kwa wakubu. Tu voles, unaiba, tu injuries, unatus, tu lui manques du respect, una, tu fais des choses qui ne sont pas agréable. Unafanya vitu vipendezi. Mais maintenant, cette personne aussi, sasa ton supérieur, ta mama yako, ton oncle, jomba ton grand frère qui te paye les études, mwenye anakulipia il va se mettre en colère. Yeye atasirika. Il va dire des paroles atasema maneno que les sorciers vont mettre dans sa bouche. Walozi wenye wateka kinywani kwake. Quand ils vont te maudire, wakati watakulaani, toi qui ne sauras pas que tu es maudit, wewe utajua kusema na shukula inio, et ta vie sera détruite. Ni pale maisha yako itaweza kuharibiwa. Parce que je parle à quelqu'un. Na mutu. Ils font des malédictions. C'est ça leur puissance. Je c'est pas si vous voulez remarquer quelqu'un qui a la sorcellerie. Il parle toujours des choses négatives. Lui ne fait que maudire les gens. Lui ne parle que des choses négatives. Si vous voyez croiser quelqu'un, soit il est conscient, soit il est inconscient, ou soit il a été envoûté. Tire attention aux paroles des gens. Quand les gens parlent contre toi, tu dois ouvrir tes oreilles. Et la dernière des choses, ils font quoi? Pour que tu ne saches pas que c'est eux. Ils envoient des démons. Toi, tu vas commencer à combattre les démons. Mais ils sont en train de prendre le champagne. Tu envoies un groupe de démons. Une légion de démons. Qui vont te rendre la vie difficile. Watafanya maisha yako ikue ya kigumu zaidi. Alléluia. Amina. Maintenant, qu'est-ce que Gédéon a fait pour vaincre? Nini Gideon yalifanya juu ya kushinda? Il a vaincu par le feu. Aliweza kushinda kupitia moto. Nous aussi, nous allons vaincre par le feu. Nasi tutashinda kupitia moto. Papa a dit, Gédéon a déclaré. Gideon yaliweza kusema. L'épée de Dieu est l'épée de qui? De Gédéon. Ya Gideon. La victoire de Dieu est la victoire de Gédéon. Ushindi wa Gideon. Ce soir, magharibi ya leo, tu vas prier. Utaomba. Dieu leur a dit de prendre les criches et mettre le feu à l'intérieur. Moto quand ndani, ils vont briser les criches au son de la trompette, na wakati wataweza kuyapasula kupita kelele à l'extérieur, ya tarumbeta moto c'est là que inche. Les ennemis seront dispersés. Ni pale wahadui watazambalana. Le combat de demande le feu qui est à l'intérieur de toi. Inaomba moto inakuwa et ce feu là c'est l'esprit de Dieu. Na hiyo moto et tu vas disparaître pour que l'esprit de Dieu combatte pour sababu, roya Mungu que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Amen. Amina. Lève-toi. Inuka. Nous voulons faire une prière de 15 minutes. Tu t'as fanya tu maombi ya 15 minutes. Il y a quelqu'un qui se met en colère ce soir. Kuko moja atastirika mangaribia leo. Il y a quelqu'un qui sent que en lui il y a un feu qui s'allume. Kuko moja nasikia sendani mwake mko moto inawaka. Nous voulons maintenant prier. Tunapenda kuomba. Lève-toi. Inuka. Même si tu te sens malade, lève-toi. Hata unajisikia mgonjwa, inuka. Même si tu as des vertiges, lève-toi d'abord. Hata una kizunguzungu, inuka tu. Parce qu'on ne peut pas combattre tout en étant assis. Hawezi kupika ukomvi unesha kuketi. Lève-toi. Inuka. Lève ta main droite. Nyanyua mkono wako ume. Sois concentré. Weka mafikiri fasi moja. Nous voulons faire une forte prière. Tunapenda kufanya ombi ya nguvu. Quand ils vont commencer à chanter, toi sois concentré. Regarde comment est-ce que Madian a détruit tes fiançailles. Au moment où tu voulais récolter le mariage dans tes fiançailles, les fiancés sont partis. Il est allé marier une autre personne. Mais ce soir, ça ne peut plus encore continuer. Ayezi kuendelea. Tu as commencé le boulot quelque part. Ulianza kazi fasi moja. La société a été fermée. Lakini kampuni waliifunga. Merci Jésus. Hey Jésus. Yemba na bomo inanga Seyo Yesu Masia. Na bomo inanga yawe Seyo Mwana na mfate. Natale liyo, Natale liyo Yesu elonga nanga. Natale liyo Yesu elonga nanga. Yemba na bomo inanga Elonga nanga, Natale liyo, Yesu dire Jésus. Jésus. Moi, prière avant d'arriver à l'heure. Dans la prière de ce soir. On a bougé. Commence à bouger. On a omba, on a enda oku, on a rodia. En train de faire deux mouvements. C'est ma Jésus. Jésus. Par l'autorité qui m'a été donnée. Par l'autorité qui m'a été donnée. Mina shimama leo. Mina shimama leo. Mina sema na maoteli ya kwabo papa. Mina sema na maoteli ya kwabo. Makoteli ya kwabo mama. Ile na reklamaka maisha yango. Ile na semaka bitu bibaya juu ya maisha yango. Nasema leo. Soyez brisé au nom de Jésus. Toi, hôtel qui m'empêche à vivre ma destinée. Toi qui parles maladie. Il y a des hôtels qui parlent diabète, qui parlent la mort, qui parlent échec, qui parlent humiliation. Regarde la famille de tes parents. Tu vas prier, tu dois claquer les mains. Nous allons prier Jésus trois fois. J'écris Jésus trois fois. Et à la troisième fois, tu commences la prière. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de prie le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Détruis les hôtels qui te parlent. Les hôtels qui ramènent le péché de tes parents sur ta vie. Tu commences aussi à pécher comme ton père. Tu commences à pécher comme ta mère. Monte dans la prière, monte dans la prière. Père, je détruis. Père, je détruis. Tout hôtel qui parle malédiction, qui parle humiliation, priez, priez, priez. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Tu tapes les mains, tu pries. Les mains sont devenues comme des marteaux. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Brisez, brisez, rabat. Père, je brise tout hôtel. Je brise tout hôtel qui parle malédiction. Qui parle échec, qui parle la mort, qui parle la mort, qui parle la mort, brisez bien-aimés, détruisez, ravage. Tout hôtel qui parle diabète, tout hôtel qui parle cancer, tout hôtel qui parle hypertension, tout hôtel qui parle paralysie, je détruis ce soir. Tout hôtel qui réclame ma vie, je détruis ce soir, je brise ce soir. T'appelles mes brisés, t'appelles mes brisés, t'appelles mes brisés, t'appelles mes brisés, ravage, t'appelles mes brisés, tu détruis, tu détruis, tu brises, tu détruis, tu brises, tu détruis, tout hôtel qui parle mal, qui parle échec, qui parle humiliation, qui parle sorcellerie, je détruis, je détruis, je détruis, je brise papa, je détruis Adonai, je détruis Jésus, je détruis Adonai, je détruis Yahweh, je détruis Jésus, je détruis Père, je commence à détruire l'autel de la sorcellerie, je détruis l'autel de la mort, je détruis l'autel des maladies, je détruis l'autel d'humiliation, l'autel ancestral, l'autel ancestral, je détruis. Père, je détruis Père, je détruis Père, je détruis Père, je détruis Père, ravage. Montez, montez dans la prière, montez dans la prière, montez dans la prière, ravage. Que, chikata, rikata, rikata, vache. Je détruis ce soir l'autel qui crie derrière mon ministère, l'autel qui crie derrière ma réputation, l'autel qui crie derrière ma vie de finances, je détruis, je brise, je détruis, je brise, ravage. Chut, écoutez-moi très bien. Tu pries bien, mais il faut monter des dimensions. Tu tapes les mains seront comme des marteaux. C'est ma Jésus. Jésus. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Je voyage. Je voyage. Jusque là où il y a les hôtels. Jusque là où il y a. Si c'est au village. Si c'est dans les champs. Si c'est dans les eaux. Nakama ni kuchanda. Sema j'ai détruit au nom de Jésus. Tape les mains très fort, détruisez. Tape les mains très fort. Rabat. Père éternel, je détruis les autels maléfiques. Je détruis les autels maléfiques. J'utilise ta parole comme un marteau, comme un marteau, comme un marteau, comme un marteau, comme un marteau. Ravage. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Je saute de briser. Je détruis. Je détruis. Je brise. J'anéantis. I break it. L'autel ancestral, l'autel coutumière, l'autel de la sorcellerie, du côté de mon père, du côté de ma mère, l'autel qui crée la honte, qui crée l'humiliation, qui crée des maladies. I break it, Shabbat. I break it. Je détruis, je détruis, je détruis. Je détruis, je brise, je brise, je brise, je brise, Yarash. Montez, montez, montez, montez, montez. Chakarabas. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe. Je te donne 2 minutes, commence à parler. Semaïvi, moi je suis de la génération de Gédéon. Moi je suis de la génération. Oui, hôtel où il réclama qu'à papa. Où il réclama qu'à quoi, maman Yango. Mie na sema na mouye. Mission yenu naïcha. Fondement yenu naïcha. Ma sacrifice yenu naïcha. Amuta ouakate na bantu. Mouna pote na malari yenu. Commence à parler, commence à parler. Je suis de la Gédéon, de la génération de Gédéon. Je parle avec vous, les hôtels. Na sema na moi, muna kufa ndani ya mai, mulio ataka maisha ya familia, maisha yangu mwenyewe na watoto. Je détruis là-bas. Je détruis. Vous êtes anéanti. Vous êtes anéanti. Vous êtes anéanti. Vous n'allez plus me réclamer. Je suis attaché à l'autel de la croix. Moi jusqu'au cadet. Moi avec nos enfants. À partir de là, il est ma cycle à mon paya. Inaïcha. Il est ma cycle à mon paya. Inaïcha. Ravage. C'est ma Jésus. Yes. Mangaribi à l'air. Mangaribi à l'air. Mina kata mukono eba madianite. Il est mukono na bambaka maisha yango. Il est mukono na bambaka. Il a n'empêcha ka ni récolter bitu ya muzuri. C'est ma je coupe au nom de. Commencez à couper cette main de madianite. Coupez-la, coupez-la, coupez-la. Coupe cette main, ravage. Je commence à couper la main de madianite. Je commence à couper, je commence à couper toute main qui m'a saisi. La main de madianite, ricapache, ravage. Je commence à couper la main de Madianita. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe cette main, je coupe cette main, je coupe cette main, je coupe cette main, je coupe cette main, je coupe cette main, rabat. Je suis en train de couper, je suis en train de couper, je suis en train de couper, je suis en train de couper. Nakata, nakata, nakata pour famille. Nakata il est mukono. Je carabage. Je brise. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Cette main, rabage. C'est ma Jésus. Mukono ya Amalek. Mukono ya Amalek. Il est esprit qu'on a empêché de vivre destiné. Il est esprit qu'on a empêché de vivre destiné. C'est ma Aïta. L'année qui commence, je vais progresser. Je vais aller de l'avant. Et je serai toujours au-dessus. Oh non, non! Coupez cette main. Priez, bien-aimé. Coupez, coupez, coupez, coupez. Ravage. Je coupe, I catch it. Je commence à couper la main qui m'empêche à vivre ma destinée. Ravage. Je coupe cette main sur moi et toute ma famille. C'est ma Jésus. Dites Jésus. Jésus. Je commence à détruire. La puissance des fils de l'Orient. La puissance de fils de l'Orient. La puissance de la sorcellerie. La puissance de la sorcellerie. Que c'est la mer. Que c'est la mer. Au nom de... Tape les mains, détruisez, tu marches. Tu tapes les mains, tu détruis. Ravage. Je commence à détruire. I break it, ramasse. Je détruis ce soir la puissance de la sorcellerie. Les fils de l'Orient, ils sont détruits. Mère, la puissance mère, la puissance de la sorcellerie, mère, ramasse. Écoutez, dites Jésus. Jésus. Il est malédiction dans le prononcer que tu es à Maïcha Yango. Na tu es à famille Yango. C'est moi, je fasse par la puissance du sang de Jésus. Tape les mains, détruisez cette malédiction. Détruisez ça. Détruisez ce qu'ils ont prononcé, ce qu'ils ont parlé. Je détruis, j'efface toute puissance de la sorcellerie. Toute puissance de malédiction prononcée par la sorcellerie. Jésus. Moto Iwake. Il détruit ma démon. Il y a des démons qu'ils ont envoyés pour t'espionner, pour te rendre célibataire, pour te rendre stérile, pour te rendre chômeur, pour te rendre pauvre. Envoyé. Prier. Le feu. Montage. Démons qu'ils ont envoyés, soit consumés, soit calcinés, soit détruits, ravage. C'est ma Saint-Esprit. Saint-Esprit. Passe dans ma vie comme un feu. Détruis l'autel de la sorcellerie. Détruis tout ce qu'ils ont semé dans ma vie. Qu'ils ont semé dans ma maison. Envoyez. Tape le maître fort. Élève tes deux mains. C'est ma Jésus, c'est la dernière prière. C'est ma Jésus. Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Imikono yangu iwake moto. Imikono yangu iwake moto. Imikono yangu iwe ya moto. Imikono yangu iwe ya moto. Sorcellerie yote nikalaka pa mikono. Sorcellerie yote nikalaka. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Élève tes mains. Il y a des gens qui ne touchent pas l'argent. Et les autres, quand l'argent arrive, ma problème est là. Il y a le problème qui commence. Elle est demain. Commence à les bouger. Commence à dire ceci. Saint-Esprit, délivre mes mains. Toute puissance de Madianite qui m'arrache l'argent, qui ne veut pas que je bouge les mains. Bouger. Tu dis seulement, tu bouges. Délivre mes mains. Il y a des niveaux que je dois dépasser. Il y a des niveaux que je dois dépasser l'année prochaine. Je ne peux pas rester dans les mêmes montants. Mes mains soient touchées par la puissance de Dieu. Oui, au moment où tu bouges tes mains, il y a la puissance qui délivre tes mains. Bouge les pères, que ta puissance délivre nos mains. Que ta puissance délivre nos mains. Que ta puissance délivre nos mains. Nous devons monter. Nous devons aller loin. Bougez encore. Bougez très fort. Bougez très fort. Que tes mains soient délivrées. Que tes mains soient délivrées. Oui, il y a tes mains qui sont touchées par la puissance de Dieu. Sois délivré. Que tes mains soient délivrées. Que ton travail soit délivré. Blocage financier, il y a un bouquet, oui, il y a la puissance qui se manifeste, il y a des mains qui sont touchés, oui, il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a des gens qui sont libérés, aidez la soeur, continuez à monter, relâche. Et bien aussi celle-là. Oui, il y a la puissance de Dieu. Oui, il y a la puissance de Dieu. Il y a les mains qui sont libérés. Il y a les mains qui sont libérés. Il y a les mains qui sont libérés. Il y a les mains qui sont libérés. Ravage. Ya. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Ravage. Da. Il y a la puissance de Dieu qui passe. Il y a les mains que Dieu libère. Est-ce que tu peux encore lever les mains pour une minute encore? Écoutez, il ne faut pas blaguer avec l'argent. L'argent, c'est une force. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a les mains que Dieu est en train de libérer. Il est peuple qui a l'air par finance et famille. Come out. Libère. Libérez leurs mains. Libérez leurs finances. Toi, esprit de la sorcellerie, tu y as bloqué la vie des finances. Tu prends l'argent. Je compte jusqu'à toi. Tu cries et tu pars. Commence à libérer. Libère vite. Deux, libère vite. Trois, libère. Je dis crie et pars. Je dis crie et pars. Toi, esprit qui a bloqué le travail. Tu as bloqué les affaires. Tu as mis des limites sur la vie de l'argent. Je dis crie et pars. Je dis crie et pars. Je dis crie et pars. Je dis crie et pars. Je dis crie. Oui. Je sens une onction qui va libérer la vie de quelqu'un. Il va libérer sa finance. Il ne sera pas supporté parce qu'il y a une forte onction qui va toucher à sa vie. J'ai dit 1, 2, 3, ça va passer. Ravage. Libéré. J'ai dit crier par. Oui, il y a des gens que Dieu veut toucher en ce moment. Il va les toucher. C'est leur délivrance financière. Sois connecté. J'ai dit, soyez connecté. C'est la sorcellerie qui a daté de longtemps, qui a détruit vos vies. Oui, c'est une puissance. Oui, c'est une puissance de délivrance. Je vois 8 personnes être touchées par la puissance de Dieu. 8 personnes être touchées, même là derrière. Ça va passer. Soyez libres ce soir, ravage. Oui, oui, oui, aidez la sœur là-bas. Oui, ça commence là-bas. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soyez tous libérés. Soyez tous libérés. Soyez tous libérés. Soyez tous libérés. Soyez tous libérés. Ravage. Il y a encore 3 personnes. Il y a encore 3 personnes. Que Dieu libère la vie des finances. Ravage. Je dis un, je dis Marab, oui je sens cette onction. Oui je sens cette onction. Oui je sens cette onction. Je dis encore, il y a 3 personnes. Il y a une qui va commencer à tourner comme s'il est tourné par un vent violent. Je dis un, je dis deux, je dis 3. Il y a une puissance qui passe, qui libère. Je vois un tourbillon qui est en train de sortir, qui mettait les désordres. Je dis le tourbillon, ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Come out! Oui, oui, oui, ça passe, oui, ça passe. C'est très fort, c'est très fort. Ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Oui, il y a la libération. Il y a la libération. Il y a la libération. Les finances sont libérées. L'imitation tombe. Il y a quelqu'un qui va tourner comme un tourbillon. C'est une délivrance. Je dis, il y a quelqu'un que la puissance de Dieu est en train de toucher. Il va tourner comme un tourbillon. C'est la puissance de délivrance. Je passe. Il y a la puissance. Soyez connectés, ne soyez pas dans la distraction. C'est le dernier vendredi. Nous sommes déjà à la fin de Boulima 30. C'est aujourd'hui que ça prend fin. Ne quitte pas sans être touché. Oui, donnez-nous encore 5 minutes où tu vas partir. Mais il y a la puissance de Dieu qui fait libérer la vie de quelqu'un. Je vois un hôtel qui est en train de crier. Cet hôtel crie. Qui dit, je libère sa vie. Oui. Il y a un hôtel qui dit, je libère sa vie. Je libère sa vie du mariage. Mettez les deux mains sous ta tête. Rabba, chaka tapas. Keramande. Rabras que te kintayash. Iramande les bros que soyez concentrés. C'est toi que Dieu libère. Ne regarde pas l'autre. C'est toi que Dieu libère. Tu vas crier à haute voix, Saint-Esprit. Oui, il est là, je le sens. Il y a même des gens qui seront guéris. On ne peut pas les toucher, mais ils vont sentir que la maladie est la potère. Dites encore Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que ta puissance dynamique se passe. Que ta puissance dynamique il passe sous les maotels yote. On a dit. Il y a la puissance de Dieu qui passe. Saint-Esprit ou tout pitié. Saint-Esprit ou tout tembelé. Que tout hôtel qui amène des maladies, qui amène le chômage, qui amène le célibat, qui amène la honte, qui amène l'humiliation. Écoutez la puissance de Mongo. Écoutez la puissance de Mongo. On a des. Oui, la puissance de Dieu passe. Il y a des hôtels qui se brisent. Il y a des gens qui ne peuvent, qui ne pourront pas supporter parce que il est mazabaw ikonanguka. Amen. Ça va dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et une fois encore. Saint-Esprit. Une fois encore. Saint-Esprit. Continue à monter dans la prière. Et de l'ien akupanda dania maombi. Mbe tu Saint-Esprit ngovia ko ipite. Montez. Montez. Mwambie Saint-Esprit nguvu yako ikutane na mazabau ya miaka. Montez. Si je dis monte, monte à la prière. Et qui se me panda panda dans les maombi. Si je dis monte, tu montes dans la prière. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Toi, hôtel, libère sa vie. Elle doit expérimenter. En elle, il y a une grâce. Elle doit expérimenter. Continue à prier, montez. Hôtel, brise-toi. Criez pas. Criez pas. Criez par terre. Criez par terre. Vite. Puissant de Jésus. Continue à prier. Continue. Montez, montez. Montez, montez. Nous sommes presque à la fin de la prière. Toi, continue à prier. Toi, continue à prier. Toi, continue à prier. Toi, continue à prier. Toi, continue à prier. Touch. Que ce jeune homme expérimente sa destinée. Touch. Sois une grâce exceptionnelle. Reçois. Continue à prier. Montez, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Sois touché, sois touché, sois touché. Que ça se brise, que ça se brise, que ça se brise. Que tout hôtel, ta page, reprise en nom puissant de Jésus. J'ai des grâces. Je brise tout hôtel maléfique, tout hôtel qui ne confesse pas le nom de Jésus. Sois brisé, sois brisé, sois brisé. Continue à prier. La puissance de Dieu te touche là où tu es. La puissance de Dieu te touche là où tu es. Rage. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Continue à prier. Sois touché par la puissance de Dieu. Sois touché par la puissance de Dieu. Sois touché par la puissance de Dieu. Grâce, rivage. Continue à prier. Continue à monter. Dans ta prière. Continue à prier. Continue à prier. Dieu est en train de te visiter. Ravage. Le Dieu des signes. Touch. Touch. Touche, Saint-Esprit. Touche. Esprit de Dieu, touche. Touche la vie de ce papa. Takrit. Takrit. Ravage. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Merci Jésus. Merci puissant de Jacob. Au nom puissant de Jésus. Dieu de grâce. Dieu de puissance. Dieu de miracle. Dieu de toute force. Je libère ta puissance. Je libère ta puissance. Sois touché ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Continue à prier. Il te reste 2 minutes. Continue. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Que la puissance de Dieu te touche. Package. Touch. Power. Ribash. Saint-Esprit. Le Dieu des signes. Le Dieu du miracle. Que la puissance de Dieu te touche. Que tout hôtel qui parlait le contraire de ta vie soit touché, soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout hôtel qui est contre ton ventre soit brisé ce soir. Soit brisé ce soir. Come out. Come out. Talk about China. I break it. Je te brise. Je te brise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois brisé. Sois brisé. Je déclare victoire. Je déclare victoire. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Visite la santé. Au nom puissant de Jésus. Touch. Touch. Sois touché. Sois touché. Que le Dieu des miracles puisse toucher à ta vie. Une nouvelle onction. Au nom puissant de Jésus. Continue à prier. Continue à prier. Que la puissance de Dieu te touche. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Il est là, il te touche. Il est là, il te touche. Continue à prier. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Ravage. Dieu des signes. Dieu des miracles. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Au nom puissant de Jésus. Sois touché, Dieu de grâce. Sois touché, sois touché. Sois touché, sois touché. Sois touché, sois touché. Que tout esprit impur libère ses corps. Criez pas, criez pas. Criez par terre, vite, come out. Libère vite. Esprit de servant, libère. Libère sa vie, fire. Fire, fire, fire. Libère vite, libère. libère sa vie, libère sa vie, libère sa santé. Je dis libère, je dis libère, je fire, libère, libère vite, libère vite, esprit de serpent, libère, libère, libère, come out, come out. Merci, Saint-Esprit, libre, Jésus. Je ne pas ce que tu Saint-Esprit, sois touché, sois touché, sois touché. Que l'onction descende sur ta vie. Une double onction. Pack it! Touch! Take it, reçois. Il y a une onction qui descend sur ta vie. C'est une onction qui veut changer ta destinée. Ton cœur cherche la face de Dieu. Mais ce soir, il y a une visitation. Sois restauré. Mais n'a déclaré par le mandat qui m'a été donné. Il est cyclé à ma blocage. Il a échoué à partir de là. La puissance qui change la vie puisse changer ta vie. Puisse changer ta vie à partir d'aujourd'hui. Oui, toi, sors comme un tourbillon. Vite, commence à sortir vite. Libérez sa vie, libérez. Libère, toi, esprit des ancêtres, esprit des mauvais cycles. Allez, libérez vite. Avec vitesse, vite. Avec une vitesse de croisière. Vite, tu sors. Vite, tu sors. Vite, tu sors. Vite, tu libères. Vite, tu libères. Vite, tu libères. Vite, tu libères. Allez, libérez. Vite, libère. Libère vite. Libère vite, come out. Allez libérer. Allez libère, come out. Libère, sors de ce corps. Oui tu libères. Oui tu libères, come out. Out. Merci Jésus. A partir de l'heure, mon grand papa désirait changer Maïcha Yako. J'ai dit à échanger. À échanger. Il esprit dans l'état de désordre. Libère. Je compte jusqu'à toi, tu libères. 1, 2, 3. Priez, partez vite. Quenda. Merci Saint-Esprit. Reçois la puissance de faveur. Reçois la grâce. Tout ce que tu toucheras à partir d'aujourd'hui, ça va aller loin. Ça va aller loin à partir d'aujourd'hui. Je libère ta vie. Oui, merci Saint-Esprit. Merci. Merci pour ces nouveaux vêtements qu'il est en train de recevoir du ciel. Les vêtements de la gloire. Les vêtements de la gloire. Oui, je compte jusqu'à toi, tu pars. C'est ta fin. Tu as tout libéré maintenant, tu dois partir. 1, 2, 3, go! In the name of Jesus. Oui, partez, partez, partez, partez, partez, partez, partez vite, partez vite, partez vite, partez vite, partez vite, vite, vite, vite, vite, partez. Mais maintenant. Oui, c'est un esprit qui part. C'est un esprit des ancêtres. Des générations, ça libère sa destinée. Ça libère sa destinée. Mets-toi debout, mets-toi debout. Celui-ci est dans... Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Oui, nous voulons terminer. Nous voulons... C'est parti. C'est à toi de vous. C'est maman. C'est à toi de vous. Ancien, priez pour lui là-bas. Élève tes deux mains. Et il y a quelqu'un dans la salle qui a un problème d'enfantement. Qui a un blocage du niveau Yabuzazi, Yasoge. Parce que je vois une visitation. Quand même, comme Apite Mbele. Pourquoi le problème est à Kupata Mtoto? Tu as un problème d'enfantement. Bon, nous avons une soeur. Élève tes deux mains. Et même si tu as quelqu'un que tu veux présenter, Venez ici devant. Le Dieu de papa désire veut donner une bénédiction ce soir. Élève tes deux mains, rabâche. Touche la partie qui est malade. Et si tu sens que tout le corps a des problèmes, mettez une main seulement, la main droite sur ta tête. Et il y a la guérison qui va s'opérer tout à l'heure. Matuzo itafashika sasa. Dites seulement alléluia. C'est matou alléluia. Une fois encore. Alléluia. Une fois encore. Alléluia. J'aimerais écouter ta voix. Dites alléluia. Alléluia. Soyez concentrés. Une fois encore alléluia. Alléluia. Au moment où tu dis alléluia, il y a la guérison qui s'opère. Wakati unasema alléluia kuma tuzo. Dites encore alléluia. Alléluia. Montez encore. Panda tena. Montez encore. Alléluia. Ce n'est pas seulement la guérison du corps, il y a même le mariage qui s'est guéri. Kukonando. Il y a des affaires qui sont guéries. Koko biashara binapata. Il y a le Dieu de papa désiré passe, ne sois pas dans la distraction. Dites encore alléluia. Alléluia. Une fois encore. Alléluia. Montez encore. Alléluia. Montez encore. Alléluia. Dites alléluia. Alléluia. Dites alléluia. Alléluia. Dites alléluia. Alléluia. Reçois ta guérison, ravage. Il y a une puissance qui passe pour te guérir. Koko wezo inapita juu ya kukutunza. Il y a une puissance qui passe pour te guérir. Je dis, reçois ta guérison. Tes jambes sont guéries. Ton ventre est guéri. Ta tête est guérie. Tes affaires sont guéries. Ton mariage est guéri. Tes nerfs sont guéris. Tes poumons sont guéris. Ton cœur est guéri. Tes intestins sont guéris. Amen. Ton sang est guéri. Amen. Tes infections sont guéries. Amen. J'ai dit au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Par le sang de Jésus, sois purifié. Yesu, que ta vie financière soit guérie. Ya soyez guéri. Que tes yeux soient guéris. Que tes yeux soient guéris. Au nom de Jésus. Moi avec papa, nous allons confirmer. Moi avec papa désiré, nous allons confirmer sur la vie de ces gens. Il y a un Dieu qui leur donne la progéniture. Recevez les enfants. La stérilité est arrivée à la fin. Le blocage est arrivé à la fin. Que la puissance qui avait créé Jésus dans le ventre de Marie crée la progéniture en toi. Je déclare. À partir de là, tout esprit qui était contre ton enfantement, je le chasse. Come out! Esprit de stérilité, libère. Libère. Libère. Il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Tu es béni. Ce ventre est béni. Les anges commencent à opérer ce ventre, à mettre en ordre. Touche aussi son mari, ton mari. Au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour cette maman, la personne qu'elle représente, que cette personne reçoive la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas remercier le Seigneur là où tu es. Nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amina. Et peux acclamer pour le Seigneur. Je sens dans mon cœur, ne termine pas ce moulima comme ça. Alors pour gagner le temps, tu donnes ton offrande, mais que tu prennes une enveloppe. Tu vas bâtir un hôtel que tu vas nommer toi-même. Tu vas donner la mission à cet hôtel. Il y a des choses, tu dois te dire, je ne veux pas que ça puisse entrer en 2026 avec moi. Il y a des choses qui s'arrêter en 2025. Il y a des choses que tu devras voir. Nous fonctionnons par la foi et par la puissance de la parole de Dieu. Quand l'esprit est là, c'est le temps d'agir. Donnez-moi les enveloppes. Donnez-moi encore les enveloppes. Je vais prier pour ça. Tu donnes ton offrande et tu prends l'enveloppe. Dimanche, nous avons un culte l'après-midi. Ce sera notre culte de clôture. Seigneur, merci. Après avoir détruit les hôtels qui ont dérangé nos vies, nous voulons bâtir maintenant des hôtels sur lesquels tu descendras pour nous introduire dans notre destinée. Par la puissance du Saint-Esprit, je bénis ces enveloppes. Quiconque les prendra aura foi dans tes promesses. Que cela arrive dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous donnons les offrandes, protocole, aidez-moi. Tu n'as l'état sadaka. Pour gagner le temps. Nous donnons les offrandes et restez à côté des paniers. Comme ça, on donne les offrandes et en même temps, on prend les enveloppes. On gagne le temps. Yes. Awana se na moi bolingwa solo pasi nazui mokano baluke painanga pemelingani te pesanga inguya la kisa maloba zembo ya boligo yonde yo merite bayemba pona yo nakoya na pokwa tango bato balali nakokata pongi pona yebisa yo inyo za pona ngai pesa ngai pesanga inguya lakisa maloba zembo ya boligo yonde yo merite bayemba pona yo fidel ya tango nyonso fidel na maloba na yo fidèle na bilaka papa kaka ndengo lobi ndenge kosalema. Seigneur, merci pour ta fidélité. Ta parole accomplit ce qu'elle dit qu'elle va faire. Neno yako inatimiza yenye iliweza kusema itafanya. Et je te rends grâce pour ta fidélité. Na kurudishia tena shukrani. Sois béni, sois glorifié. Ubarikiwe na utukuzwe. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Tuweza kushangilia. Alléluia. Amen. Nous vous donnons le programme. Tunemipatia matangazo. Demain matin, nous avons enseignement des serviteurs. Donc notre masterclass, c'est la dernière masterclass. Ma fundisho yetu ya mwisho. De 9h à 11h. 9h mpaka 11h. Avec notre pause vers 10h, 10h, 5, 10 par là. Et à 11h, on va terminer. Dimanche matin, nous commençons avec la table. La Sainte Cène. De 8h30 à 10h. Nous voulons à 10h tous rentrer chez nous à la maison. Parce que la table, c'est une arme aussi. Et nous prenons ça le matin. De telle sorte qu'à 15h, comme ça sera ouvert à tout le monde, que nous soyons là. Pour notre culte de clôture de Mulima 30. Ça, c'est le programme de dimanche. Et la semaine prochaine, après tout ce temps de prière, nous prenons pas tellement une pause, mais nous modifions légèrement le programme. Lundi, ça sera un jour de méditation. Tu entres dans l'église le matin. L'église sera ouverte de 9h à 17h. Tu choisis toi-même le moment. Tu viens avec un carnet, un bic. Tu entres dans un coin. Tu réfléchis sur ta vie. 2025. 2026. Tu parles calmement au Seigneur. Avec tout ce que tu as emmagasiné comme bagage, que ça puisse t'aider à faire une bonne méditation. Donc lundi, l'église est ouverte, chacun entre, il prie lui-même. Mardi, la même chose. Seulement que mardi, les évangélistes et l'équipe sociale. À 11h, ils vont aller déposer quelques vivres et non-vivres, comme on appelle, dans les orphelinats. Alors, si vous avez votre contribution amenée à l'église demain, dimanche matin, lundi, pour que mardi, qu'on amène à nos frères orphelins. La Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Quand vous faites ça, vous touchez leur père. Et c'est parmi des mystères qu'il faut toujours faire avant d'entrer dans une nouvelle année. À double titre, Dieu est le père des orphelins. Et tu fais en sorte que tes enfants ne restent pas orphelins aussi. Donc après amener le riz, le sel, les médicaments. Sur la route Kolwezi, on met pas de 130 orphelins. À Kikula, autour de environ 30 quelque chose. Kikula, on a 30. Bref, nous tournons autour de 180-200, ceux qui sont connus du moins. Alors nous voulons aller bénir le Seigneur en aidant nos frères et sœurs orphelins. Mercredi sur le 31, nous sommes encore à l'église ouverte, nous méditons la parole de Dieu. L'après-midi, les évangélistes vont être dans la ville. C'est des jours où il y a des embouteillages, les gens montent, descendent sans savoir même là où ils partent. Mais soyons concentrés. Selon vers 23h30, moi je serai ici dans l'église pour la prière. Ceux qui peuvent se connecter vont se connecter, nous allons prier ensemble avec eux. De 23h30 à minuit 30. 23h30, pas qu'à minuit 30. Et c'est à la maison, nous prions. Par rapport à tout ce que nous avons entendu. Juge chapitre 6, verset 15. Nous allons prier pour la famille, pour les maisons, pour le travail, pour l'église. Nous allons arrêter certaines choses de 2025 et nous allons prier pour 2026. Donc nous allons détruire des hôtels et nous allons bâtir des hôtels dans la prière. Donc ça, nous le ferons le 31 à minuit, 30 minutes, 40 minutes, et puis nous rentrons à la maison pour dormir. Et le premier, toutes les églises sous féconde, nous réunissons ici, nous donnons le thème de l'année 2026. Nous n'aurons pas culte toute la semaine, seulement jeudi le 1er à 8h30. Nous aurons un autre culte le 4 dimanche le matin, maintenant culte normal. C'est alors que nous allons commencer notre année. Mais le culte de dimanche 4 sera un peu spécial parce que le matin, je vais prier pour tous les serviteurs. Je vais prier pour les protocoles, pour les choristes, pour les évangélistes, pour les intercesseurs. Et pour que chacun fasse son travail en 2026. Et l'après-midi, nous avons notre première conférence des filles. Ce n'est pas exclusivement réservé aux filles, bien que nous allons parler des problèmes des filles. Donc 8 ans jusqu'au-delà, même les mamans, venez, nous allons parler de certaines choses, le secret de la réussite, la méditation de la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu et l'entrepreneuriat. Il y aura des exemples et puis à un moment donné, on va parler aussi de l'hygiène corporelle, c'est ça? Ok, nous aurons quelques invités. Madame Sylvie, Maman Lisette, Maman Gloria, Maman Elvire et moi-même, voilà, nous allons travailler. Ça sera à la Perle. Nous délocalisons pour que ça soit ouvert à tout le monde. Après, il y a un buffet qui va se faire à la Perle. Le droit d'entrée, qu'il faut payer, c'est d'inviter une sœur. Voilà, tu invites une sœur, tu viens. À ce moment-là, tu l'aides à apprendre et Dieu te bénit aussi. Donc le 4, nous démarrons notre année avec ce grand événement. Alors, parlez-en à nos filles, à nos sœurs, à nos amis, aux mamans, c'est important. Il y a des choses qu'il faut, pour lesquelles il faut prier, mais il y a des choses pour lesquelles il faut avoir la sagesse d'apprendre. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous êtes très patient. Et est-ce que vous pouvez acclamer d'abord pour vous-même? Alléluia. Amen. Ok, nous bénissons le Seigneur. N'oubliez pas de faire un petit geste de cadeau le premier. Ça sera un culte d'action de grâce. Toutes les chorales vont chanter. Je veux qu'au niveau des les mamans du district chantent aussi. La chorale des mamans, les papas aussi. Ça sera un culte ouvert le premier. Voilà, si vous avez un cantique, vous me voyez et vous me donnez l'interprétation si c'est dans notre langue pour que nous puissions tous comprendre ce que c'est et bénir le Seigneur le premier. Est-ce qu'on peut se mettre debout pendant 30 secondes? On se lève. Lève ta main, remercie le Seigneur. Père, merci. Il n'y a qu'un Dieu comme toi pour nous aimer autant, nous approcher dans les grandes choses et nous bénir. Notre bénédiction ne s'arrête pas ici. Parce que toi, tu as dit que je redonnerai à ta bénédiction de t'accompagner dans toutes tes voies. Que la bénédiction de Dieu accompagne ton peuple dans toutes ses voies, dans la santé, dans le mariage, dans la famille, dans les études, dans les projets, dans tout ce que quelqu'un quelqu'un peut faire, qu'il voit ta bénédiction l'accompagner. Je le déclare et je le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Mangaribi njema.